Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les éditions de Damaj ont le plaisir de vous présenter Mafasid al-Démocratie, les méfaits de la démocratie. Un cours donné par le frère Munir al-Maghribi, hafidhahullah ta'ala, au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyat bi-Damaj, au Yémen. Cours numéro 1. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. Alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وقال سبحانه ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا الآية الله سبحانه وتعالى بين في القرآن الكريم أن الكفار المشركين فرقوا دينهم وتحزبوا كل حزب بما لديهم فرحون فتركوا كتبهم المنزلة وحرفوها وتركوا اتباع الرسل فتفرقوا فالله سبحانه وتعالى إنو زميعوا قاعد ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لأن السروي كدلس La révélation, le Coran, et de la sittiba' al Rasul, هذا لا شك ولا ريب أنه سكونجورا la division. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة أي فرق, the group. هذا يبغض هذا وهذا يعادي هذا وهذا يستهزئ من هذا. Tout ça à la cause annahum ils ont délaissé al-wahi wa akhbar Allah subhanahu annahum quand ils se sont divisés et ils ont délaissé la révélation kadhalik ils combattent al-mu'minin li'annahum ils se sont égarés al-kuffar wa ma'a hadha ils combattent ceux parmi les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala qui se cramponnent à leur religion, à leur din. فَلِهَذَا قَالَ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنْ اسْتَطَاعُوا. Avec tout ça, ils vont pas cesser de combattre le mu'min, le muslim, حَتَّى سِيبَمْ هَذَا الْمُؤْمِن il revient à leur din. Batin. Il fait partie de un de ces hizbes. كُلُّ حِزْبٍ بما لديهم فرحون ومن أخطر الأفكار والضلالات الوافدة من الغرب على المسلمين في هذا الزمن الفكر الديمقراطي من أخطر الأفكار على الأمة الإسلامية في هذا الزمن. وهذا الفكر كما لا يخفى عليكم سان فكر كفري طاغوتي، سان فكر نصراني يهودي. فلا شك أن الكفر يفل بالبيان دي مسلمين أبدا، كما قال عز وجل ولا يزالون يقاتلونكم. ومن الأساليب التي يحاربون بها الإسلام هذا الفكر الخبيث أي لا ديموكراسي. والمسلم يجب عليه أن يعرف مكائد الأعداء. المسلم doit connaître يعني ces choses par lesquelles les kuffar ils combattent son din et ils le combattent lui et ils combattent son prophète عليه الصلاة والسلام. Il doit connaître هذه الأمور. هذه الأمور ça fait partie de l'aqida. لأن si tu connais ta aqida صحيحة qui est fondée sur le Coran et la Sunna على فهم سلف الأمة, tu dois connaître les choses qui la contredisent et les choses qui la combattent. ومن أخطرها في هذا الزمن الفكر الديمقراطي. فأيها المسلم tu dois donner du temps à ces choses. لأن si tu connais pas الشر فيخشى عليك أن تقع في هذا الشر. Si tu connais pas ce mal فربما ربما tu peux tomber في هذا الفكر والعياذ بالله. المسلم doit connaître هذه الأمور, ces choses par lesquelles les kuffars ils combattent son din. Et نحن بهذه الكلمة المختصرة on va détailler inshallah ta'ala et on va essayer de démontrer la gravité de ce fikr, cette pensée de kuffar الديمقراطية. فنسأل الله سبحانه وتعالى العون والسداد. أولا ما هي الديمقراطية أي التعريف؟ الديمقراطية كلمة يونانية الأصل. الديمقراطية سبان لفظ عربي, فلهذا لو تبحث في جميع كتب اللغة ما ستجد هذا اللفظ أبدا, لأن نفس كلمة يونانية سبا من كلام العرب الديمقراطية. وهذه الكلمة تتكون من مقطعين. هذه الكلمة عليها دو بارتي. الديمقراطية الأولى سي نحن الآن on revient à l'origine du mot biliunaniya dans la langue latine, le latin demos kratos. C'est fondé sur ces deux mots demos kratos bilarabiya il le prononce hakada. Falihada cette kalima démocratie ça vient de ces deux mots, la démocratie, le premier mot demos, la démo, Kratos, Krasi, en langue française. Enfin, en langue française, ça donne démocratie. Mais l'arabie, elle l'appelle démocratie. En latin, demos Kratos. Anta, al-an, tu dois comprendre ces deux mots, l'origine de ces deux mots. Hatta ta'arif, le sens de la kalima. Amma demos, ma'naha, c'est sha'b, et le peuple. Demos, le sens, c'est le sha'b. En arabe, aïe le peuple. Wa kratos, aïe kratos, ma'na, as-sulta, aïe le pouvoir. Un, t'as deux mots. Demos, c'est le peuple. Kratos, c'est le pouvoir. Qala al-allama, Muhammad Aman, الجامي عليه رحمة الله قال الديمقراطية لفظة أجنبية أي سبا من كلام العرب قال معناها حكم الشعب فالآن avec le détail qu'on a fait sur les deux mots الآن tu sais أن الديمقراطية معناها c'est le pouvoir au peuple حكم الشعب أي الشعب يحكم نفسه بنفسه أي الآن les lois elles vont venir du peuple c'est le peuple qui invente qui légifère des lois et ils jugent avec ces lois ils se mettent d'accord entre eux ça c'est halal, ça c'est haram ça c'est permis, ça c'est pas permis et ils écrivent une loi cette chose مثلاً, elle est autorisée c'est ça la démocratie قال الشيخ محمد رحمه الله أي أن الشعب هو الذي يصنع القوانين لنفسه هذا أي instaure il légifère des lois des règles c'est eux qui les ont instaurés et ils jugent avec ces lois قال قال أن الشعب هو الذي يصنع القوانين لنفسه ويشرع التشريعات المناسبة له تأمل كلامه رحمه الله المناسبة أو المناسبة تأمل أي سلوى elles vont être fondées sur le hawa ça va pas être fondé sur un شرع إلهي كتاب وسنة أبدا c'est des lois qui vont se mettre d'accord ça va être la majorité il y en a, tout le monde ne peut pas être d'accord sur une chose Ha'oula, Al-Kuffar ils sont jamais d'accord enfin, ça va être la majorité si la majorité matalan, ils votent anna, cette chose elle est permise voilà où t'es pas d'accord anta. Voilà où ça khalif din Allah voilà où ça khalif l'aql ou al-fitra la yubaloun l'essentiel hum, la majorité elle a voté enfin, ça passe قال الشيخ محمد رحمه الله الجامي غير ملتفت إلى الشرع أو إلى شرع الله بحيث يكون الشعب نفسه هو السلطة التشريعية هذا هنا غير ملتفت إلى شرع الله ils ont plus le ميزان ça حلال ça حرام الله il aime cette chose الله il déteste cette chose le prophète il nous l'a montré ou ils ne l'ont pas montré tout ce ميزان ils l'ont plus un التشريع أي légiférer des lois c'est basé sur le peuple si la majorité du peuple elle est d'accord la loi elle est validée s'il n'est pas d'accord elle n'est pas validée ولو c'est un khayr ولو c'est haq المizan الآن c'est l'aktharie et ça c'est muhim que tu comprennes هذا أن le fondement de la démocratie c'est fondé sur la majorité ولو si cette majorité c'est un shar ولو cette majorité c'est du kufr ولا وسط majorité c'est quelque chose qui contredit la raison والفطرة فهؤلاء الخبثاء leur ميزان c'est هذا قال الشيخ محمد أمان رحمه الله قال وهو الإله المعبود أي le peuple ça devient إله c'est lui qui instaure les lois c'est lui qui vote c'est lui qui accepte qui rejette alors que ça في الحقيقة المشرع c'est Allah سبحانه وتعالى كما سيأتي معنا قال ويتم ذلك بواسطة نواب البرلمان الممثلين للشعب نعم نحن ما قد تأي هذا ça prendrait beaucoup de temps لكن أنت tu dois savoir أن هذا التنظيم الكفري démocratie, ils ont plusieurs méthodes. Ça peut être le peuple directement qui vote. Matalan, ils ont une mas'ala et ils demandent au peuple ce qu'on appelle le référendum, oui ou non. Tout le monde vote. Si la majorité elle dit oui, la loi elle passe. Si la majorité elle dit non, ça passe pas. Et ils le font. Ahyanan, ils font ce qu'ils appellent des référendums, ils demandent directement au peuple. Le peuple il va voter et il choisit. Si c'est un peuple de khabith, de munharif, il choisira des choses khabith. Amma un peuple salih, aslan, il ne rentre pas dans ces choses. كذلك il y a une autre méthode qu'il a cité Cheikh Mohammed Huna, rahimahullah, c'est بواسطة نواب البرلمان. Et ce peuple, il va voter des représentants, ce qu'on appelle les députés. Tout le monde se rassemble au Parlement et ils votent. Et ceux-là, ces députés, ils représentent le peuple. Chaque député, maintenant, il représente un endroit, une région. Enfin, ce n'est pas à chaque fois le peuple il va voter. Là, enfin, il y a des lois, maintenant, ils ne demandent pas l'avis au peuple. Non. Le député, il a été élu. Thomas, entre députés, ils se rassemblent au Parlement et ils votent. Si la majorité des députés, elle est d'accord, ça passe. Si elle n'est pas d'accord, ça passe pas. Ali, c'est une brève image de cet organisme, à la démocratie. انظر كلام شيخ محمد امان في رسالته النافعه حقيقه الشورى في الاسلام. ثانيا الان on a compris le tarif. On sait que la démocratie, l'âne, ça vient de demos kratos en latin. Et ces deux mots, demos, c'est le peuple, kratos, c'est le pouvoir. Aïe, ad demokratia, aïe, c'est le pouvoir, il est au peuple. Al-hakimiyya, elle est l'ishab. Al-an, tu dois savoir, anta, min aïn ja'at hadil fikr. Il y en a ce fikr. Ce fikr, il est arrivé il n'y a pas longtemps, en haqiqa. Il est arrivé dans les derniers siècles, had. Amma, à l'époque, Al-Nasara ou Al-Yahoud, ils ne connaissaient pas Hadil Umur. Ils suivaient leurs livres, ils l'ont déformé et ils se sont égarés. Bismuddin. Lakin Hadil Fikr al-An, il est nouveau. Qala Sheikh Mohammed Aman, rahimahullah, Qala inna Fikrat al-Démocratia, walidatun, ou walidatu tafkir tawil, haqiqa, comme il dit. Voilà aussi c'est une pensée nouvelle, mais il y a longtemps qu'ils essayent d'instaurer mitla hada. La tazan, la démocratie elle est venue du jour au lendemain, hakada. Abadan. C'est une chose qui a été réfléchie, pensée, étudiée pour égarer Ahlul Adiyan. À l'époque, les chrétiens, et aujourd'hui, Al-Muslimoun. Il y en a, les chrétiens, ils ont plus de dîmes. Fa hadi al-fikra. C'est un harb ala dinillahi azza wa jalla. Qala walakinahu tafkir ghayru muwaffaq nasha'at 'inda al-gharb an-nasrani alladhi arada 'an shari'atillah. Ça montre que cette fikra elle vient de Nasara. Ils ont délaissé leur din. Ils ont délaissé al-injil. Ben ils l'ont déformé. Ils ont délaissé le suivi de Isa, ils prétendaient le suivre, et ils sont arrivés à un niveau, annahum, ils n'avaient plus de dîn. Qala Cheikh Mohammed, qala bal ghayra wa harraba fil kutub, ay, hada al-gharb al-nasran, qala fil kutub al-samawiyya, hatta sallatallahu alayhim mulukahum al-zalimin. Al-an, al-nasara, Al-Nasara, comme Al-Amouni, ils se sont égarés. Ils ont falsifié leurs livres. Hatta, ils n'avaient plus de dîn. Comme des animaux, wal-iyadu billah. Wal-ladhina kafaru, yatamatta'una, wa ya'kuluna kama ta'kulu l'an'am, wal-naru mathwan lahum. Al-Nasara, ils étaient hakada. Des animaux, ya'kulun, yashrabun, et ils se reproduisent, wal-iyadu billah. Ils ont délaissé leur dîn. Hatta, sallatallahu alayhim mulukahum. Allah subhanahu wa ta'ala les a châtiés avec leur roi. Leur roi, ils ont pris le dessus, ils n'avaient plus de dîn. Qala Cheikh Mohammed, fa'adhaquhum sou' al-adab. Sahih, si tu lis l'histoire du christianisme, maintenant la France, l'Europe, yani, dans les années, l'époque des rois Louis Foulan, 1200, 1300, 1400, jusqu'à la révolution, tata'adjab. Wallah, des animaux. Hatta al-nadhafa, ils l'ont perdu. Ils ont perdu leur dîn. Fa Allah subhanahu wa ta'ala salat alayhim muluk. Des rois, ils ont pris le pouvoir et adhaquhum su' al-adab. Ils l'ont privé de leur droit, tamamen. Tu trouves un Nasrani en Europe à l'époque, c'était comme un animal. Wallahi, l'animal, dans l'islam, il a des hukouk, il a des droits. Comme a dit le Nabi sallam, dakhalat mar'atun an-nar fi hirra. Hatta le chat, en islam, il a un haq. Une femme, elle est rentrée dans le nar, bisabab hirra. Elle l'a enfermée, elle ne lui a pas donné à manger jusqu'à ce chat, il est mort. Elle est rentrée dans le nar. Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné le haq à ce chat. Bel, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a vu cette femme dans le nar, et le chat, il la griffe. Yantaqim minha, haq. Ce chat, Allah de l'homme, yom al-qiyama dans le nar, quand elle sera dans le nar, le chat yantaqim minha. Le mal qu'elle lui a fait, il lui rend. Wallahi, les Nasara, ils n'avaient plus hada. Wallahi, ils n'avaient plus hada. Des animaux. بل أضل كما وصفهم الله عز وجل قال الشيخ محمد قال فأذاقوهم سوء العذاب بدعوة التفويض الإلهي ليفعلوا ما يشاءون ces rois ils ont prétendu que c'est eux qui représentent le dîn enfin, ils font ce qu'ils voulaient ils faisaient ce qu'ils voulaient والعياذ بالله ils interdisaient ils autorisaient ils prenaient l'argent à moi à l'ennas ils leur ont fait goûter سوء العذاب فصارت الشعوب الغربية النصرانية بعد تغيير الكتب السماوية وتحريفها تعيش بين ظلم ملوكهم وتسلط كنائسهم حتى الكنائس الإجليز الإجليز على بالية avec ces rois enfin ils ont mis des le clergé comme ils appellent des prêtres des les guides de Nasara et c'était des ظالمون لأن ils ont laissé leur dîme enfin le peuple في هذا الحال il souffrait جدا. Le gouvernement, il est contre eux, c'est des injustes. Kadalik, l'église, ils sont contre eux, c'est des injustes. Enfin, ça a duré longtemps, Hakada. Zulm. Zulm, nuit et jour. Aucun haq. Amma al-mar'a, hadith ou la haraj. Al-mar'a, c'était akthar. Kala. Kala. Nakhtasir al-kala. قال وتسلط كنائسهم التي لا يقل ظلمها عن ظلم عن ظلم الملوك نعم حتى الظلم de l'église يعني هؤلاء des chrétiens فإلى تأشد من ظلم الملوك الظلمة الله سبحانه وتعالى les a éprouvé قال فإذا كانت ملوكهم تظلمهم وتتصرف فيهم وفي أموالهم كما تريد فإن كنائسهم تسخر منهم وتستقف عقولهم فتزين لهم تأليغ غير الله أو تأليغ غير الله Ils sont arrivés à un point أن الإجليز elle leur a autorisé à adorer autre qu'Allah فضل عيسى ils adorent الهوى ils adorent الشهوات قال الشيخ محمد والذي أريد أن أصل إليه الآن Où est-ce qu'ils vont venir, Cheikh Mohamed Aman, rahimahullah, biyad al-kalam. Al-An, il te montre où est l'état des chrétiens avant la démocratie. Al-An, ils sont fait zulm, zulumat, ils sont fait azab. Aucun droit. Le plus fort, il a le dessus sur le plus faible. Les rois, ils ont le dessus sur les peuples. Qala, alladhi urid an asil ilay, anna al-gharb al-nasrani arada an yatakhallas. من ظلم ملوكهم فقعدوا اجتماعات ومؤتمرات كثيرة الآن après tout ce ظلم le peuple est arrivé à un niveau ils ont saturé خلاص ils n'ont pas de sabre c'est des kuffars ils sont arrivés à un niveau il faut du changement أعداء الله ils auraient choisi l'islam ils seraient في خير وعلى خير ils auraient choisi l'islam لكن ils commencent à réfléchir comment se débarrasser de cette église et de ses rois. Nous, on n'a aucun pouvoir. Qala faqarraru akhiran nadariyat siyadat al-sha'b. Après toutes ces assises, tous ces rassemblements, des congrès qu'ils ont faits, avec ta'lamoun, des écrivains célèbres, des philosophes, qui combattent le din, ils ont décidé hadi al-fikra siyadat al-sha'b. Aïe, La solution, ayyuha al-sha'b, est la solution pour toi, le peuple, c'est que le pouvoir il revient à toi. Hatta anta, si ce roi il te dérange, les élections et on l'enlève. Hada. L'église, elle te dérange, c'est halal, c'est haram. Il n'y a plus d'église, il n'y a plus de dîn. On fait ce qu'on veut. On est des alcooliques, l'alcool c'est halal. On est des ashab shahawat, al-liwat, c'est halal. Hakad al-kuffar. Ça te montre que c'est le démocratie, là tu as le musulman. Ne pense pas que c'est pour libérer les peuples. Ou pour que tu sois heureux dans la dunya. Abadan, c'est un mabda pour les shahawats. Les Alna, ils n'aimaient pas de dîn. Ils n'aimaient pas de dîn, c'était trop lourd pour eux. Ça c'est halal, ça c'est haram. Ils ont décidé, ce qui nous arrange c'est halal, et ce qu'on n'aime pas, si tu veux, c'est haram. Ces mots, ils les ont enlevés. Ils disent plus halal, haram. Qala, wa hiya nadariya, tantaliq min tasawwur ilhadi. Alors, ça c'est important. Anna ce mabda, et cette pensée, ce fiqh, il a été fondé sur l'ilhad. Il a été fondé sur l'ilhad. Aïe, on n'accepte plus les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala et on instaure nos lois à nous. Et on va voir, chacun il est libre, chacun fait ce qu'il veut. Wa dhulumat. Dhulumat fawqa dhulumat. Ils sont sortis l'âme d'un dhul et d'un dhalal. Ils étaient des nasara égarés, kuffar. Ils étaient opprimés. Ils sont sortis vers un autre dhulm. Annahum c'est des mulhid. Et ils sont tombés dans les shahawat. Voilà aussi leur niveau de vie a augmenté. Enfin, ils n'ont plus de dîn. Ça montre que les démocrates, tout ce qu'ils font, c'est pour dunya. Les anna, ils ont une aqidah. Ils ne croient plus en l'akhirah. Qala, rahimahullah, qala, thumma ahmalu, faturiku. Ou, قبل هذا قال وهي نظريه تنطلق من تصور الحادي اذ يتصور ان الناس خلقوا ثم اهملوا فتركوا دون ان تنظم حياتهم ويبين لهم الخير من الشر الان ils sont على هذا المبدا. Pourquoi ils ont délaissé l'église? لان ils sont arrivés à un niveau والعياذ بالله انهم ils étaient opprimés et ils n'avaient pas une sharia. Ils n'avaient pas une sharia pour leur montrer ça c'est bien, ça c'est mal. Ils ont pensé à Naoum, il n'y a plus de dîn. Et ce dîn, il nous a délaissé, il ne nous a pas montré. Enfin, ils ont inventé leur nouveau dîn. La démocratie et la kufriya. Qala, à la fin, Cheikh Mohamed Amani conclut, « Wa hiya fikratun mulhida, tatanafa ma'a qawli Allah ta'ala, wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasoula, an i'budu Allah wa jtanibu al-tab. » Cette fikra, elle contredit dîn l'islam tamaman. C'est deux choses qui se contredisent. La démocratie, elle a été fondée sur ça, sur l'ilhad. Et on n'a plus besoin de ce dîn. Il ne nous sert à rien ce dîn. Et ils ont inventé leur première loi, leur nouvelle loi. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala qala wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasoula. Mais chacun des nasara, ils ont reçu un rasoul, Isa alayhi salam. A qui ils l'ont pas suivi? Al-Kadhaboun. Ils prétendent l'aimer. Wa samin alad al-a'da. Li Isa wa li ghayrihi min al-anbiya. Aperçu d'où ça vient Hadil Fikra. Hadil Fikra, c'est des longues années, des décennies où Yufakirun comment se débarrasser de leur moulouk, de leur roi, et comment se débarrasser de l'église. Les Anna Al-Abd, comme tu le sais, même dans l'islam, tu as deux institutions toujours au-dessus de toi. Tu as le Hukam, les gouverneurs, c'est eux qui appliquent les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, et tu as les autorités religieuses, al-ulama. Enfin, l'ulama, ils montrent les lois du Coran et de la Sunna, et les gouverneurs, ils appliquent. Regarde le Nasara à l'époque. Ils avaient l'église, et ils avaient les rois qu'ils appliquaient. Lakin, eux, c'était l'égarement. Fahoum, ils ont voulu se débarrasser de tout ça. Les Anna, tout ça, t'es obligé d'être un abd, mu'addab. Les Anna, tu vas vivre sous des lois. Maintenant, l'alcool, c'est interdit. Ou alors, ton œuf, ça le veut. Tu dois t'écarter. Azina, c'est interdit. Al-Liwat, c'est interdit. T'as des ordres aussi. La femme, elle doit porter le hijab. Tu dois faire salat. Tu dois. Ahab. Comme a dit Azza wa Jal, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tout ça, ils l'ont mis de côté et ils ont inventé la démocratie. Al-An, tu comprends que la démocratie, elle n'est pas de l'islam fi shay. Elle n'a rien à voir avec l'islam. تتعجب ان بعض الضلال الان يديز ديمقراطيه اسلاميه تتعجب اما سيد الجهال Imma c'est des gens, ils sont manipulés, ils veulent faire du mal à l'islam. Qala al-allama al-sheikh Rabi' ibn Hadi rahimahabidahullah, qala wa laysa, il va continuer, يعني, te montrer d'où ça vient. Qala wa laysa lil-madloumin din, yuwajihuna bi hadha al-waqi'. Hada, le peuple chrétien là, il s'est retrouvé dans une situation, ils ne savent plus comment faire. Ils sont opprimés nuit et jour. En fait, ils auraient choisi l'islam, ils seraient sortis de cette oppression et de ce dhulm. Mais ils ont choisi un dhulm akbar, un dhulm qui est plus grave. Qala fakhtara'u ma yusamma bid demokratiya. أي حكم الشعوب بالشعوب لأنه ليس لهذه الشعوب أديان يوجد فيها العدل والإنصاف والعقائد الصحيحة. Cette démocratie c'est un دليل أن le christianisme et le judaïsme c'est باطل. والله يسوع على خير ils les auraient jamais délaissé. À ton avis, les lévites ils ont délaissé le judaïsme et ils ont délaissé le christianisme. Et là c'est parce que c'est des أديان, elles ont été déformées, falsifiées et c'est أديان, il y a du dhulm. Aucun hak pour la femme, aucun hak pour les enfants, aucun hak pour le gouverneur, pour ceux qui sont gouvernés. Dhulm, nuit et jour. Et le peuple a voulu se débarrasser de hada. Amma l'islam, voilà. Parce que l'islam c'est hak. Kalam Allah wa kalam al-Rasul. Il n'a pas été falsifié, walillahi l'hamd. Fa anta ayyuha al-muslim. Si t'as compris Hada, t'as pas besoin de Hada al-Fikr al-Khabi. T'as pas besoin de démocratie. Haoula, ils ont choisi la démocratie, les Hana, ils ont pas de din. Amma anta t'as le Coran. Fihi l'huda wa al-nur. T'as sunnah. Aïe tariqat al-Rasul. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil'alamin. C'est une rahma. Est-ce que à l'époque du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, ils se sont plaints? Abadan. Bel al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est venu et il les a fait sortir de ce dhulm. لأن العرب المشركون قريش وغيرهم ils étaient dans cet état qu'ils ont connu le Nasara. حتى ils mangeaient la bête morte والعياذ بالله. Ils faisaient zina. Ils avaient كثير من المظالم. Le plus fort. Ils donnaient aucun droit au plus faible. النبي عليه الصلاة والسلام il est venu avec هذا الهدى وهذا النور. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Est-ce qu'ils se sont plaints? Ma'ad Allah. Là, ils ont trouvé ce qu'ils voulaient. Al-haq. Chacun a son droit. Chacun a son droit. Tu promets à l'héritage, hatta chaque membre il a sa part. Fi al-jahiliya, la femme elle avait aucun haq. Aucun haq. Fa hada fa anta ayyuha al-muslim, t'as pas besoin de hada. Abadan. Anta ta hada al-kitab al-Qur'an. Wa hadhihi as-sunnah. Si tu l'appliques, inshaAllah ta'ala, tu seras min al-fa'izin. Wa man yuti' Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Al-an, si on a compris l'historique, en bref, de la démocratie, al-an, tu peux avoir un hukm. Léna, on sait d'où ça vient. Et on sait c'est quoi leur but. Al-an, tu peux avoir un hukm. Anna, la démocratie, c'est du kufr akbar. C'est du shirk akbar. Qala, Cheikhuna al-allama Yahya ibn Ali al-Hajuri, hafidahullah, fi risalati nafi' al-mabadi al-mufida, fa idha qila lak, mad démocratie. Hadith, c'est une risala nafi'a. Cheikh, hafidahullah, il l'a écrit pour les enfants. Et dans cette risala, il a cité la salat démocratie. Il y en a ici, le Cheikh Avidaullah, Anna ce fikr, il combat l'aqidah du musulman. Et si l'enfant, il grandit avec ce fikr, fa kabbir alayhi arba' illa ayasha Allah. Sauf si Allah il le dit. Qala faqul hiya hukmu shab. نفسه بنفسه بغير كتاب ولا السنة. La définition qu'on a citée. Si on te demande c'est quoi la démocratie, c'est حكم الشعب. نفسه بنفسه. Aïe, le peuple, il يحكم نفسه بنفسه. Aïe, ils se jugent et ils font des lois eux-mêmes. قال الشيخ فإن قيل ما حكمها. Si on te demande c'est quoi son حكم, فقل هي شرك أكبر. لماذا؟ لأن التشريع من حقوق الله. Personne a le droit de légiférer des lois إلا الله. الآن الديمقراطية ils l'ont mis dans un niveau et dans un حق c'est min khasa'is rabbil alamin. T'as pas le droit. T'as pas le droit d'inventer des lois. Abadan. Qala wa ad-dalil qawluhu ta'ala inil hukmu illa lillah. Celui qui fait du shirk dans son hukm, il tombe dans le shirk l'akbar. Wa qala ta'ala wa la yushrik fi hukmihi ahada. Wa la yushrik fi hukmihi ahada. Personne a le droit d'associer Allah subhanahu wa ta'ala dans cette chose al-hukm. Inventer des lois, là il y a douze. Qala azza wa jal wa man lam yahkum bima anzal Allah fa ulaika humul kafirun. Celui qui délaisse les lois d'Allah et il invente des lois. Il invente des lois autres que les lois d'Allah Azza wa Jal. Hada c'est du kufr. Hada c'est du kufr. Et si il a l'aqidah, comme les démocrates, s'il a l'aqidah, anna ces lois, elles sont meilleures que les lois d'Allah. Ou ces lois, elles remplacent les lois d'Allah. Ou les lois d'Allah, elles ne sont pas adaptées à notre époque. C'est un kafir billah Azza wa Jal. Parle le Cheikh Mukmel, rahimahullah, l'imam, المجدد قال الديمقراطية كفر هذا الديمقراطية c'est du كفر. Si tu sais d'où elle vient et c'est quoi son but et on va voir les fondements, fa tu n'auras aucun doute في هذا. Ou بعض الناس ils essayent de faire croire أنها c'est خير أنها c'est une libération pour les peuples أنها c'est du ظلم. C'est du ظلم. C'est هذا le plus grand mensonge في هذا العصر. C'est هذه الديمقراطية. C'est un kadhib, ajib, et tu trouves pas dans les gens, ils y croient, les asaf, mine les musulmans. Qala, Cheikh Mukbil, rahimahullah, kadhalik, wa man da'a ila al-démocratie, wa huwa ya'rif ma'naha, fa huwa kafir. Celui qui appelle à cette démocratie, et il connaît son hukm, il connaît son hal, c'est un kafir billah, il sort de l'islam. Il y en a cette démocratie, elle combat de din. Ça te montre? أن بعض الناس سيدي جهال من العوام عوام المسلمين سنجهل إيسي باسي كوالا ديمقراسي هو lui il pense que c'est une chose pour faire avancer sa tête, il connaît pas le char qu'elle renferme. هذا c'est pas un kafir, هذا c'est un مسلم جهل, هذا يعلم هنا إلى دي الشبه خاصة الآن في الديمقراطية ils ont mis beaucoup de شبه للمسلمين فمثل هذا c'est un مسلم. فلهذا الشيخ مقبل رحمه الله قال وهو يعرف معناها. Mais s'il connaît son sens, il connaît le but de cette démocratie, il connaît qu'elle combat l'islam, et il y appelle, ou il croit que c'est bien, ben c'est un kafir. Qala, li'annahu yad'u ila an yakun al-sha'b sharikan ma'a Allah. C'est comme si tu appelais le peuple à devenir un associé avec Allah. Allah, c'est lui qui légifère les lois, on a dit. Wa inil hukmu illa lillah. C'est comme si lui disait, ayyuha le peuple, donnez des lois avec Allah. T'as pas le droit d'adorer autre qu'Allah. T'as pas le droit de croire qu'il y a un autre Rab qu'Allah. T'as pas le droit de croire qu'il y a un autre qu'Allah qui légifère des lois. C'est du shirk billah. Azza wa jal. Qala Cheikh Mukbil fa rabbul izza yaqul wa la yushrik fi hukmihi ahada. نعم ولا يشرك في حكمه أحدا فهذا من خصائص الله التشريع on a pas le droit d'associer avec Allah في هذا وفي خصائص رب العالمين وقال الشيخ محمد أمان كذلك يبقى مدخل الحكم قال فالإيمان بالعلمانية والديمقراطية وغيرهما من الأفكار الحديثة يتنافى والإيمان بالله la démocratie la laïcité et tous les أفكار qui suivent ces fiqh, ça ne peut pas se rassembler avec l'iman. Abadan. Abadan. Qala, wa la yajtami'an fi qalb mri'in muslim. Qala, la bud an yaj'al ahaduhuma mahal al-akhar. Fa la yajtami'an. Le qalb d'un muslim, il ne peut pas rassembler l'iman billah et la démocratie. Abadan. Léana l'iman billah, tu as une conviction, tu as une croyance, an Allah c'est le créateur, celui qui mérite d'adorer, celui qui légifère les lois. Nous, on précise de légiférer les lois, ça rentre vite au Tawhid al-Uluhiyya wa al-Rububiyya, mais on le précise là parce que notre mawdou, il est fiada. Amma la yudhan anna ahl al-Sunnah, il partage le Tawhid, Tawhid al-Hakimiyya. Ça, c'est min alamat ahl al-Bida' wa al-Hizbiyya. Là, mais nous, on le cite là, l'anna masala al-Démocratie a le rapport avec le Tashri'a. Comme a dit le Cheikh Mohammed, aman, la bud an yahil ahaduhuma mahal al-akhar. Un cœur, s'il a l'iman, il ne pourra pas accepter la démocratie. Abadan. Il a un jahl, il sait pas, il a des choubas. Amma il connaît la haqiqat de démocratie et il connaît la haqiqat de l'iman, c'est impossible que ça se rassemble. Abadan. Abadan. Abdiddan, la yajtami'an. Deux contraires, ils ne peuvent pas se rassembler. Abadan. Qala azza wa jal, faman yakfur bil taghut wa yu'min billah. Celui qui mécroit en taghout, la démocratie c'est min akbar tawaghit al-asr, wa yu'min billah, et croit Allah, faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa. La bud min nafi wa ithbat. Nafi, يعني ibadat ghayr Allah azza wa jal, et tous ces tawaghit, wa ithbat al-ubudiyya lillahi wahda. Ama celui qui accepte la démocratie, la, لأن il a donné un mushri' ma Allah subhanahu wa ta'ala. فالخلاصة أيها المسلم أكن دوت أن هذه الديمقراطية سجي كفر وكيف لا هي اللي vient des كفار est-ce que t'as jamais entendu l'iman il vient من الكفار si tu veux l'iman tu veux السنة tu veux الدين prends le du Coran et de la السنة أما la démocratie الآن elle est venue d'où elle n'est pas venue du prophète عليه الصلاة والسلام أبدا elle n'est pas venue d'Abu Bakr d'Omar d'Uthman d'Ali d'Al-Sahab رضي الله عنهم أجمعين elle est venue من اليهود ومن النصارى Là, chaque le coffre, il emmène du coffre. Cette démocratie, elle est fondée sur des usuls. Usul à la démocratie. Elle a des fondements là. Anta, tu dois les connaître, ayyuha al-muslim. Le premier fondement. Et les fondements, ils sont connus, ta'lamoun. Anna, la démocratie, ils appellent. Ils ont shi'ar, ils ont un slogan, liberté, égalité, fraternité. C'est ça la démocratie. C'est ça au sol la démocratie, liberté, égalité, fraternité. Al-hurriya, la liberté, l'égalité, le musawa, wa la fraternité, al-ukhuwa. Trois fondements. Les trois fondements, vous allez voir, ils sont batil, bil-kitab wa bil-sunnah. Amma le premier, al-hurriya, la liberté. يقول ربنا عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا الله سبحانه وتعالى يمتخ dans ce verset وما كان لمؤمن ولا مؤمنة le muslim et le muslima le croyant et la croyante إذا قضى الله ورسوله أمرا si Ils ont un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala ou de son prophète. Qala azza wa jal Qala wa rasulu amra an yakun lahum al-khiyaratu min amrihim. Ils n'ont pas le choix. Hada, ça contredit leur liberté l'an. La démocratie, elle te dit t'as le choix, t'es hur, t'es libre. Allah subhanahu wa ta'ala, il te montre là. Si c'est un ordre qui vient d'Allah et son messager, t'as pas le choix. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذا ما هو؟ هذا هو الكذب. أيها المسلم خذف ton دين. يوم القيامة tu vas dire quoi? يوم القيامة c'est Allah سبحانه وتعالى qui va t'interroger. فهل ça va être utile? J'étais libre. أبدا. Allah t'a interdit le khamr, il t'a interdit le zina, il t'a interdit le liwat, il t'a interdit le sariqa, il t'a interdit le zulm, l'injustice. Kaif, tu fais ce que tu veux. Et yawm al-qiyama, ça va être quoi ta réponse? Wa qala nabiyuna al-karim alayhi afdalu salatu wa taslim kullu ummatin aw kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a montré toute sa communauté vont entrer vers le jannah. Qal illa من أبى، sauf celui qui refuse. الصحابة، ils ont demandé au prophète صلى الله عليه وسلم ومن يأبى يا رسول الله. Ils ont été étonnés. Qui c'est qui refuse d'aller fil jannah يا رسول الله؟ Il leur a répondu من أطاعني، celui qui m'obéit، دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أين الحرية؟ لا ولا ليختي. النبي صلى الله عليه وسلم يتمطخ الآن si tu veux le jannah suis-le. Suis-le. Amma, si tu ne le suis pas, c'est que tu refuses. Et ta liberté, elle te sera d'aucune utilité. Indallah yawm al-qiyam. Fala taghtar bil kafirin. Wallah al-kuffar, c'est min junud iblis. Al-qa'il, comme dans le Coran, la ugwiyannahum ajma'in. لأغوينهم أجمعين. إبليس إلى جرى إلى جرى فبعزتك لأغوينهم أجمعين. إلى جرى يا الله فبعزتك par ta puissance يا الله je vais tous les égarer. فانتبه انتبه أيها المسلم, tu fais pas partie de هؤلاء, tu fais pas partie de هؤلاء. Tu vas dire quoi يوم القيامة؟ Allah subhanahu wa ta'ala, il a montré un atba' iblis finnar, ils vont regretter. Ils vont regretter. Et قال الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا انتم لكنا مؤمنين. هكذا ils vont dire. Ils vont dire, ils seront finnar. Comment ils se sont fait avoir. Atba' la démocratie ou atba' le kufr. Et ils vont dire à iblis, ou ils vont dire à leur tête, ils vont dire, si il n'y aurait pas eu vous, on serait des croyants. Mais khalas, c'est trop tard là. Si, si. Et finnar, c'est trop tard. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. Les têtes, الذين استكبروا, إبليس ومن معه, ils vont répondre à ces faibles qui les ont suivis vers le kufr. Est-ce que c'est à cause de nous que vous êtes finnar? بل vous étiez des مجرم comme nous. شوف على ندامة وخسارة. شوف على يقول الآن في هذا الحال. شوف على يقول. Est-ce que le hurri va t'aider en une chose, en quoi que ce soit? Est-ce que Iblis ou Amal Ma'a Finnar, ils ont dit on est libre? Ah ben, Finnar, t'es pas libre. Allah subhanahu wa ta'ala yaf'al ma yurid. Wa min al musiba, annastu hurriya. Ils ont osé la prétendre hatta fil aqid. Ce qu'ils appellent hurriya tel i'tiqad, la liberté de penser. Ça, c'est min a'zam al kufr. Aïe! Avec cette démocratie, tu as le droit, si tu veux, tu es un juif, si tu veux, tu es un chrétien, si tu veux, tu es un athée, si tu veux, tu adores une vache, tu adores le soleil, tu es libre. Illa le musulman, ils le combattent l'ail nahar. Hatta leur liberté, c'est du kadhib. Là, ta zone, tu vas être dans un peuple démocrate qui applique la démocratie et tu vas dire, je suis libre, je vais appliquer mon dîn. La démocratie, c'est bien. Abadan. Si c'est dîn al-haq, il ne parle plus de liberté. Abadan. Pas d'adhan, pas de hijab, hatta l'aïd. Hatta l'aïd, t'es libre. C'est ton argent. T'as envie d'égorger une bête, tu fais ce que tu veux. Là, t'as pas le droit. Sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a aucun mal pour toi. Les Nahum, ils précisent, ta liberté, il ne faut pas qu'elle fasse de mal à autrui. Est-ce que j'égorge un mouton? Je t'ai fait du mal. Adou Allah. Un tas, tu ne l'égorges pas, un tas, ça a l'électricité, tu les noies et tu les assommes. L'aïl nahar. يقول الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام لا تقدر لا تفهم هذه الحرية الباطلة. الله سبحانه وتعالى يقول إن الدين عند الله الإسلام وفي الآية الأخرى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أي celui qui désire, qui choisit une autre religion que l'islam, فلن يقبل منه. الله لا accepte pas lui. Et يوم القيامة il est min al-khasirin. Tu n'es pas libre. Tu serais libre, tu ne serais pas min al-khasirin. Tu fais ce que tu veux. Tu n'es pas libre. Abadan. Ça c'est un kadib. Kadib de la part des kuffars. Hatta tu t'égares. Faqat. Fa la liberté de penser, c'est batil. Tu n'es pas libre, ayyuhal muslim. Anta Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a créé. Wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun. Wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlissina lahuddin. Hatta t'es un abd. T'es un serviteur, Allah t'a créé pour lui obéir. Fais-tu lui obéir. Autant que tu peux. Amma hada al-mabda, je fais ce que tu veux, wallah, il ne te servira à rien si t'es finnar. Bel, les regrets, les regrets. Deuxième fondement, al-musawa, l'égalité. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أم نجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون ما لكم كيف تحكمون. Est-ce que un musulman il obéit à Allah, il croit à Allah, il obéit au prophète, il croit au prophète, il s'écarte de l'injustice, les liens de parenté, il fait du bien, est-ce qu'il va être comme un musulman? Un musulman qui ne croit pas en Allah, qui ne croit pas au prophète, il se moque de la religion, il boit, il fume, il fait zina. Est-ce que هذا il est mitla هذا? Abadan. Abadan. وقال عز وجل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ Est-ce qu'ils sont pareils? أبدا. هذا سان سافون, il a du علم. Il a peut-être passé 20, 30, 40 ans في العلم. Un autre سان جاهل, il ne sait même pas parler, il ne sait pas écrire. Est-ce qu'ils sont pareils? هذا il est مثل هذا. Cette démocratie, ils sont pareils. تأمل les élections. تأمل les élections. Cheikh al-Islam, il a une voix. عندهم. Et un alcoolique homosexuel, il a une voix. نفس الشيء عندهم. فكما قال عز وجل ما لكم كيف تحكمون. Et c'est des kidnappes. C'est des kidnappes. تعلمون, ils ont un ظلم عجيب. Tu prends le domaine de l'emploi فقط. إلى الآن. إلى الآن, les salaires des femmes, ils sont plus bas que les hommes. إلى الآن. Ils le savent très bien. Hein. Ils cachent et ils essayent de... Il y en a augmenté le salaire des femmes, ça va leur faire trop de mal. Il a l'âne. Des féministes, comme ils les appellent, il a l'âne. Elles appellent à... Il faut qu'on soit égaux dans les salaires. Non, ma fille, dès que c'est l'argent, il n'y a plus d'égalité. Il a l'âne. Tu vas te proposer pour un emploi et tes noms, c'est Mohamed ou Rachid. C'est grillé. Oublie, oublie. Ma fille, égalité, c'est du calibre. C'est du calibre. Il a l'âne, t'as une barbe. T'as une barbe, t'as un camis et tu te présentes dans des endroits vu Belal Kouf, ils te regardent de travers. Il n'y a pas d'égalité, c'est du cadet. C'est du cadet. Égalité dans un point, comme ils prétendent, eux, c'est les élections. Si tu vas aller voter, t'as la même voix qu'un autre. Et les élections, c'est du dans l'aile, comme on l'a montré plusieurs fois. فيأبى الله ورسوله والمؤمنون المساواة بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. يأبى الله. Allah subhanahu wa ta'ala, il refuse. Kadhalik son prophète et kadhalik ses serviteurs, salihin, il refuse cette égalité. Abadan. Qala azza wa jal, am naj'alu alladhina amanu wa 'amilu as-salihat kal mufsidina fil ard? Est-ce que on va mettre au même niveau une personne qui croit en Allah et fait des œuvres pieuses avec un mufsid fil ard? Il se drogue, il fait toutes les jara'im. Tu vas le mettre comme un muslih? قال عز وجل أم نجعل المتقين كالفجار؟ فانظر سفوض ما فقط دولة ديمقراطية سجل كفر لأنه يكذب القرآن سفوض ما فقط أي أنه تسيقو أبدا سوف يقول أن تسيقو pour un démocrate صحاب الديمقراطية pour lui c'est pas vrai. Troisième fondement, الأخوة, la fraternité. الأخوة, ça vient de الإخوة, الإخوان. قال عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. فسمط أن الأخوة المبنية على الإيمان. La fraternité, elle est basée sur la foi. Si on a la même foi, on est des frères. Si t'as pas la même foi, on n'est pas des frères. C'est ça, دين الله الحق. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. قال عز وجل ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ولو c'est ton père, ولو c'est ton fils, ولو c'est de ta famille, ta tribu, ton pays. أبدا. لا تجد قوما يوادون. المودة في المحبة. أما الفكر ديمقراط لا. La fraternité. Tant que tu es un citoyen comme moi et tu as la même aqida kufriya que moi, on est des citoyens, on est des frères. Hada kadhalik, c'est du kadhib. Abadan. Ça, c'est du kadhib, ma'rouf. Ils sont à des kilomètres ra'ihat al-islam. On ne dit pas qu'il a l'apparence d'un musulman. Là, ils sont l'apparence. Vaqat. Ils voient que tu es un peu bronzé, un noir arabe. Khalas. Ils te mettent de côté, ou à Mubashara. Et c'est du kadhib. C'est du kadhib. Tu le vois, hala, des familles converties. Tu le vois. Mais wadouh. Tu trouves maintenant un wahed, c'est un kafir avec eux. C'est leur fils. Ils sentent ra'ihat l'islam. Ils sentent l'odeur de l'islam. Khalas, elle a commencé à pénétrer dans son cœur. Il le harb tamamen. Ni démocratie, ni fraternité, hatta les liens de parenté. Il les coupe. Il les coupe. Haoula, c'est des kadhib. كذابون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. لا تغتر ce fikr khabith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a montré le plus haut niveau de l'Iman, c'est que t'aimes Allah et tu détestes Allah. T'aimes ton frère musulman, ton frère qui a une aqida salima, même s'il a des faiblesses, tu l'aimes fillah et on se conseille dans nos faiblesses, dans nos défauts. C'est un frère, c'est un musulman. Et tu détestes al-kafir, même s'il est proche, même si c'est ton père, ta mère, ton frère, tu le détestes fillah. Et la mahabba tabi'iyya, elle reste, t'es un être humain, c'est ton père. Il y a cet amour naturel. Amma fi din, tu le détestes, là, tu sais que c'est un kafir, un mujrim. Hada, wallahu ta'ala a'lam. Et on continue demain. Subhanak Allahumma hamdik, shahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.